C'est parti! C'est déjà la méga-vente Black Friday chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien et Robertval. Pendant tout le mois de novembre, nous sommes en Black Friday. Nous vous offrons donc des taux d'intérêt à partir de 0%, des rabais extrêmement avantageux sur tous nos produits. En plus, Jean Dumas Ford vous fait un cadeau. Recevez l'ensemble performance, pneus, roues, capteurs de pression, ainsi qu'une télé 55 pouces. Profitez avant tout le monde du Black Friday dans les trois Jean Dumas Ford de Robertval, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini. La 107e Coupe Grey sera présentée dimanche soir à Calgary. Pour la première fois, on a un Dolmissois qui va participer à la Coupe Grey, c'est Shane Gauthier des Blue Bombers de Winnipeg. Et question de savoir comment ça va la préparation à quelques jours du match, on lui parle. Salut Shane! Salut! Shane, vous êtes rendu à Calgary actuellement. Parle-moi de la préparation. Est-ce que c'est une préparation différente compte tenu que c'est la Coupe Grey, il y a plus de distractions ou Mike O'Shea et toute l'équipe essaie de vous garder le focus pour le match de dimanche? On essaie de garder ça le plus semblable à ce qu'on fait d'habitude. Oui. C'est certain qu'avec tous les médias alentour de l'événement, c'est sûr qu'il y a plus de distractions, mais on fait notre possible pour essayer de garder abstraction de ça puis de se concentrer sur ce qu'on a à faire. OK. Shane, si on parlait de la raison que vous êtes rendu là, vous avez battu les Stampeders à Calgary. C'est jamais facile de gagner à Calgary. Et vous avez battu les Riders à Regina d'une foule très, très hostile. Pour moi, la foule la plus brillante avec Winnipeg. Je me trompe ça de dire que vous avez de l'air d'une équipe en mission actuellement. Ah ben c'est certain, ça a toujours été ça notre but cette année de se rendre à la Coupe Grey. Puis malgré les hauts et les bas qu'on a eu, je pense qu'on a appris beaucoup de nos bas, puis qu'on a été capable d'être à notre meilleur lorsqu'il le fallait dans le fond. Et puis, je pense que c'est ça qui est arrivé, puis je pense qu'on a des bonnes chances de continuer dans cette direction-là. OK. Shane, si on parlait de Zach Collaros, le changement de carrière, écoute, le gars a commencé l'année en Saskatchewan, il était échangé à Toronto, il était échangé à Winnipeg, il a remplacé Chris Tavler pour les matchs éliminatoires. Écoute, le gars, il était blessé, il a une commotion cérébrale, peut-être que sa carrière se termine, mais ce gars-là aussi, là, il semble avoir amené un leadership dans l'équipe, là. Ben Zach, c'est un vétéran. Ouais. Dans le passé, il a déjà été en compétition pour être un meilleur joueur offensif de la ligue. Donc, c'est certain qu'il y a des bonnes habiletés en tant que coureur. Puis, c'est un leader naturel aussi. L'attitude, quand il est arrivé à Winnipeg, l'aura qu'il y avait autour de lui, la façon qu'il parlait aux joueurs, il était ici pour une seule chose, puis c'était nous aider à se rendre à la Coupe Grey puis potentiellement à la gagner. Puis je pense que tout le monde le supporte là-dedans, puis je pense que c'est ça qui fait la différence en ce moment. Est-ce que le fait que les Bombers n'ont pas gagné la Coupe Grey depuis 1990, il y a une pression du côté des joueurs? On pense pas vraiment à ça. Chaque année est différente. Ça, c'est plus des affaires pour les médias, les 30 ans que c'est pas arrivé. Mais je pense qu'on se concentre juste sur nous-mêmes, puis on essaie de tenir abstraction de tout ça, puis de gagner la prochaine qui arrive. Ouais. Dis-moi, Shane, pour dimanche, le match, est-ce que les Tiger Cats d'Hamilton, c'est probablement la meilleure équipe? Ils ont toute qu'une attaque avec Dwayne Evans, Brendan Banks. Est-ce que le fait de plus vous faire froid, plus ça risque d'aider les Bombers avec Andrew Harris et joue ça? On sait jamais. Le temps froid amène plus naturellement le jeu au sol. Ouais. Mais Hamilton, même s'il fait froid, tu peux quand même lancer le ballon. Donc, il faut que tu sois prêt à peu importe la situation. OK. Shane, est-ce que si les Bombers gagnent la Coupe Grey, tu vas amener la Coupe Grey à Dolbeau? Ah, c'est sûr que oui. Ah, ben c'est une bonne nouvelle, ça. C'est vraiment quelque chose. En terminant, j'imagine, il y a là une pression. Est-ce que vous avez une équipe dimanche, vu que c'est Hamilton qui sont largement favoris, vous vous présentez avec aucune pression? Ah, il y a toujours de la pression, c'est ouais. sûr. Si tu veux gagner cette game-là, peu importe l'équipe qui est devant toi, peu importe qui est favori, nous, on ne regarde pas ça. Nous, on essaie de jouer notre game puis de se concentrer sur nous puis de mettre la pression sur nous-mêmes. Ben Shane, on va te surveiller dimanche. C'est à 18h, le botté d'envoi, heure du Québec, 16h, heure de Calgary. On va surveiller ça puis on espère grandement que tu vas nous ramener à Coupe Grey à Dolbeau-Mistassini. Ouais, merci beaucoup. Voilà, Shane Gauthier des Bombers de Winnipeg qui se prépare pour la Coupe Grey.